j'ai la vertu que l'enfer est sur terre. D'ailleurs nos pères en ont aussi une série. Bien mes frères et terres ont souffert pour nourrir les leurs. Dis-nous d'ailleurs que dire que faire. C'est la vertu que l'enfer est sur terre. D'ailleurs nos pères en ont aussi une série. Bien mes frères et terres ont souffert pour mourir au sein de la vie. Il n'était pas l'heure. Southern fall, life is hardcore. Nothing the mics, they throw the rules, go throw. And not just sniff in this old society. You have to be stronger in this strange world. Stranger, proud of my roots, Africa culture. Fuck Bush and big America, kaka. More has the speed of is all we need. In this nation, weed is all we need. Determination, the key of success. Me, the infamous life, do my best to live a good life. To give you some real vibes, where my thoughts are drums. Murderous brainstorm, the lyrics on and on. Time goes on, I don't do it to be in the news, brother. Cause my life is music, my heart is beat, try to admit it. J'ai le père, c'est la vertu que l'enfer est sur terre. D'ailleurs nos pères en ont aussi une série. Bien mes frères et terres ont souffert pour nourrir les leurs. Dis-nous d'ailleurs, et dis que le père, c'est la vertu que l'enfer est sur terre. D'ailleurs nos pères en ont aussi une série. Bien mes frères et terres, ils ne vont pas mourir au sein d'un pays, il n'est pas l'heure. 2004, año del dinero. Don Cuchillo, mensajero del extranjero. Este año, los ricos son los mismos, claro. Si quieres saber dinero, tienes que trabajar mucho, pero es muy duro. Buscar un trabajo sin enchufe ayuda. Creo que no es la misma vida que la de mis padres. En plena época, las 70s. Hoy soy el mercenario. Asusto al micro de recado de paz. Cuatro, dos, comprendes en esta vida de locos. Tienen que ser seguro de sí mismo para avanzar sin perder tiempo. Soy el marroquí viviendo en Francia. El arte de calle conmigo es una manera de al pasar mi odio. Está rabioso, mi don cuchillo. Estoy ametrallando al micro. J'ai le père, c'est la vertu que l'enfer est sur terre. D'ailleurs nos pères en ont aussi une série. Bien mes frères et terres ont souffert pour nourrir les leurs. Dis-nous d'ailleurs que dis-nous que le père, c'est la vertu que l'enfer est sur terre. D'ailleurs nos pères en ont aussi une série. Bien mes frères et terres ont souffert pour nourrir les leurs. واحد جوج تلاتة واش هاد الحالة فهاد العالم قوة ذا ما هو هو وبوش وفي الاخر يعطي فرنسا بحال بزاف الناس انا زايد هنا تباريز لا فيل دو بيز ودا بروميس بوغ سيغتان بوغ دوك كريس بروميس مالسان شنو بغيتي نقول لك ما بقى ما يدير ولا قلتي بلا ما تخمم وتعيش بلا ما تخمم والله تعيش في الهم انا سطو عندي نهام بغيت نوري العالم تنقدرو يديرو بلا ما عندهم هالشيطان انا تنخمم وما تنساش منين جايين بزاف نتا ولاد ما تسعي كلهاش ولكن كلهم عايشين في الهم ايوا هذا هو هذا هو ايوا في فرنسا هذا هو جنوي 22 عام يا يا يا يا كتير في الفاس وفير سور تير ايوا نو بير نو سين سين يا مي فخير تير سوبر بور نوري لي لور ديسيون دايور اي ديس كو فير سي تا فيرتي نو بير سور تير ايوا نو بير نو سين سين يا مي فخير تير سوبر بور نوري لي لور ديسيون دايور اي ديس كو Que Dieu te fasse, c'est la vertu que l'enfer est sur terre. D'ailleurs nos pères en ont aussi une série. Bien mes frères et terres ont souffert pour nourrir les leurs. Dis-nous d'ailleurs que Dieu te fasse, c'est la vertu que l'enfer est sur terre. D'ailleurs nos pères en ont aussi une série. Bien mes frères et terres, il n'y va pas mourir au sein d'un pays, il n'était pas l'heure.